Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Bonjour à tous, bienvenue dans la case du week-end. Il est 10h10 et nous sommes partis pour 2 heures d'émission en direct, en simultané sur Radio Antigone et sur Phil FM. Merci de nous écouter. Nous allons passer donc les 2 heures ensemble avec à suivre les sorties jeux vidéo. Il y aura aujourd'hui l'économie avec Dominique Bayard et Arnaud Pontus. Et puis également à suivre sur votre radio, eh bien de la musique. Oui, de la musique. On va écouter Tom Gregory dans quelques minutes. Ce sera Footprints. You got your footprints on me from my head to my toes. No, I feel it in my head of mine. Footprints on me from my head to my toes. All your marks on my chest leave a glimmer of hope. No, you leave your footprints on me until my blood runs cold. Footprints, c'est des empreintes de pas, de pied même plus précisément. Et puis on écoutera un titre que lors de la dernière émission on n'a pas pu vraiment bien écouter, Lost Frequencies avec Rise. Ain't no way, no way I'm stopping now. Gonna make my way right through the clouds. I rise, I rise. Dans la case du week-end, il y aura aussi des points sur l'actualité, c'est toutes les 30 minutes, le prochain est donc dans un peu plus d'un quart d'heure à 10h30. On aura des actus du numérique, bien sûr, et dans ces actus du numérique, pour commencer, on parlera des publicités dans les jeux vidéo tout à l'heure à 10h37, il y aura l'éphéméride à 10h45 et les actus des médias un petit peu après, juste avant 11h, aux alentours de 10h53. Un classique musical, c'est ce que l'on s'écoutera aussi, vous le savez, on adore écouter des titres que tout le monde a déjà entendu du moins une fois dans sa vie. Et nous écouterons dans cette première heure John Travolta et Olivia Newton-Jones. You're the one that I want, c'est ce qu'on écoutera bien sûr sur Radio Antigone. Mais pour l'instant, on part eh bien directement en musique avec une artiste française. Il est 10h13, merci de nous écouter. Voici Jane tout de suite, Dino Beat. Et juste après, il y aura donc les sorties des vidéos pour savoir quels sont les derniers jeux vidéo qui sont ou vont sortir. Try to give the tempo. Music is my way to make it all go. I can't stop the clocks, but I can make a rhythm out of it. We are lit by the rhythm, and our hearts beat flow like it's in your jeans. You feel the need to move. Down. All for one and one for all. We raise our hands to push away the down. When it comes to night, that demons we fly. Love it, I hate it, but you are no other choice. You have to realize that we are all living on a beat. Dynamics, you better keep. You better. Jane Dynabit à l'instant sur Radio Antigone. 10h16, voici les sorties jeux vidéo. Les sorties jeux vidéo. Les derniers jeux qui sont sortis, on part du côté de Steam avec le jeu, attention la prononciation, Winklage The Little Shop. Un jeu qui vient de sortir, il est sorti hier vendredi, et eh bien il est sorti, voilà, en tout cas sur Steam, une nouvelle version spéciale. Le jeu est très simple, le principe est très simple, hein. C'est un jeu qui vous plonge dans la peau d'un commerçant. Vous devez construire, décorer, gérer votre propre boutique, être confronté aux réalités quotidiennes d'un commerce. Alors le jeu a bien sûr une petite particularité, c'est qu'on remonte un petit peu dans le temps. Voilà. On va dans la peau d'un commerçant d'antan, avec bien une boutique assez rustique mais assez agréable. Le jeu est assez libre, hein. Vous pouvez totalement personnaliser votre boutique en plaçant et faisant pivoter librement votre mobilier. C'est vraiment très très libre, et donc un jeu qui est graphiquement pas désagréable, voilà, qui vraiment est un petit peu, oui, un petit peu rustique, c'est assez sympathique. Au niveau de cette boutique, eh bien, vous allez pouvoir acheter des graines aux négociants, planter, arroser, faire la récolte afin de vendre ce que vous avez pu cultiver, et attention bien sûr à ne pas laisser dépérir ces cultures pour qu'elles ne meurent pas. Et au fil des saisons, vous allez pouvoir affronter divers événements, voilà, des événements qui vont pouvoir affecter l'offre et la demande de certains produits, et donc un jeu assez réaliste de ce point de vue là. Pour pouvoir jouer à ce jeu, eh bien il ne faut pas un PC ultra performant, un PC moyen vous suffira. Configuration minimale recommandée, Windows 7 avec un processeur i5 63000U minimum, 6 gigabits de RAM, ça c'est un petit peu ce qui est le plus compliqué pour un PC de moyenne gamme. Pas besoin d'une carte graphique très très performante, ça, Intel HD 520 suffit. Et pas besoin non plus d'un espace de stockage ultra capacitif, pardon, puisque le jeu ne fait même pas 1 gigabit, voilà, 1 gigaoctet, pardon, 500 MO suffiront à installer totalement le jeu. Jeu qui est plutôt bien évalué, voilà, des évaluations très très positives sur Steam. Il est actuellement en réduction, moins 15%, et ce jusqu'au 29 avril. 10,61€ actuellement au lieu de 12,49€, profitez-en donc. Les sorties jeux vidéo, oh là là, qui reviennent un petit peu plus tard dans cette émission, bien sûr. On parlera du jeu Gold-like Burger qui est sorti le 21 avril, c'était jeudi. 10h, midi, la case du week-end. Et dans un instant, nous allons pouvoir parler économie. You're like an old ghost that just won't let go of me. You're in my blood, in my heart, you stay. Sometimes I forget what you did to me. How can someone be my poison and my remedy? You're in my blood, in my heart, you stay. You got your footprints on me, from my head to my toes. All your marks on my chest leave a glimmer of hope. No, I don't know, yeah. I feel it in my head of my footprints on me, from my head. Can't seem to let go of everything you do to me. Even though it hurts, it still feels so new to me. In my blood, Your footprints on me, from my head to my toes. All your marks on my chest leave a glimmer of hope. No, I don't know, yeah. I feel it in my head and my footprints on me, from my head to my toes. All your marks on my chest leave a glimmer of hope. No, I you leave your footprints on me until on me, from my head to my toes. All your marks on my chest leave a glimmer of hope. No, I don't know. I feel it in my head. De Radio Antigone, c'était Tom Gregory avec Footprints. Et le jingle ne démarre pas, bien sûr. On parle économie dès maintenant. Aujourd'hui, l'économie. À tout pile 10h23, nous sommes donc pile à l'heure à la seconde près. On retrouve Arnaud Pontus et Dominique Bayard aujourd'hui. Bonjour Dominique. Bonjour Arnaud. L'économie mondiale, encore convalescente suite à la pandémie de Covid, va-t-elle retomber en récession dans les prochains mois? La question revient en force parmi les prévisionnistes. Il y aura un choc de récession aux États-Unis, a prédit il y a quelques jours l'économiste de Bank of America. Une récession de guerre en perspective, enchaîne ce lundi un autre stratégiste américain. Ces prophéties pessimistes détonnent avec la bonne santé de l'économie américaine, où le marché du travail est tendu, le chômage est tombé à 3,6%. Depuis quelques semaines, pourtant, la question sur la récession est omniprésente. Elle remplace celle de l'année 2021 sur le retour de l'inflation. Alors cette dernière, elle est dépassée, on l'a vu, les prix ont partout fortement augmenté. On frôle les 8% d'inflation en zone euro et on devrait même largement dépasser ce seuil aux États-Unis. Le chiffre est attendu dans la journée. Cette inflation bien installée, ça devient un problème pour la réserve fédérale comme pour les autres banques centrales. Oui, et c'est précisément ce qui ravive la crainte de la récession. Les banques centrales ont le devoir de contenir la hausse des prix autour de 2%. Cela fait partie de leur mandat et pour cela, elles disposent d'un outil puissant, la hausse des taux d'intérêt. Alors cela décourage très vite la demande quand les taux remontent et cela fait donc baisser les prix. Mais cette manipulation est très délicate, risquée. Si les hausses sont trop... Si les banques centrales font des annonces trop rapides, elles sont trop fébriles, l'augmentation, cela peut faire capoter l'activité et entraîner la récession. Aux États-Unis, Jerome Powell, le gouverneur de la Fed, a commencé à relever les taux en mars, mais il est déjà accusé d'avoir beaucoup trop attendu. Christine Lagarde a le même dilemme à résoudre en zone euro, une région où la croissance sera quasiment nulle au premier semestre. Et puis la guerre en Europe est aussi un facteur qui aggrave le risque de récession. Oui, parce qu'elle alimente cette inflation. L'inflation, il faut le dire, qui était déjà sensible avant le début du conflit. Et aussi parce que la guerre bouleverse le flux des marchandises. La croissance du commerce mondial sera sans doute divisée par deux à cause de la guerre, a prédit hier l'Organisation mondiale du commerce. Comme Vladimir Poutine n'a pas l'air pressé d'en finir, le conflit pourrait s'installer dans la durée, entraîner des sanctions beaucoup plus dures. L'embargo total sur les énergies russe paraît inéluctable. Entre la pénurie et la hausse des cours en perspective, eh bien les Européens, les gros consommateurs de gaz russe, devraient être les premiers à en faire les frais. La guerre entraîne aussi une forte hausse des prix et d'autres produits de première nécessité. Oui, on en parle régulièrement sur cette antenne. Les denrées alimentaires, dont l'Ukraine et la Russie sont de gros fournisseurs, augmentent. Les minerais que la Russie, surtout, détient en quantité, augmentent également parce que ces marchandises sont de plus en plus difficiles à exporter à cause des combats en Ukraine et bien sûr à cause des sanctions contre la Russie. La planète est donc confrontée à un choc massif de l'offre. Les coûts grimpent, l'inflation galope alors que la production décline faute d'approvisionnement suffisant. C'est assez atypique. Dans une récession classique, l'offre et la demande chutent ensemble et cela a en général un effet déflationniste. Dominique, dernière source d'inquiétude, le regain du Covid en Chine. Oui, avec la stratégie du zéro Covid dans laquelle s'entête Xi Jinping, eh bien cela entraîne la paralysie de grands centres d'affaires comme Shanghai. L'automobile en est déjà la première victime. Les ventes en Chine ont reculé de 10% en moyenne annuelle au mois de mars à cause des perturbations de la production, de l'absence des acheteurs potentiels bloqués chez eux. Alors on voit bien que le Covid en Chine, la guerre en Europe, la surchauffe aux États-Unis, tout ça, ça fait beaucoup de menaces pour l'économie des trois régions les plus riches du monde. En bref, le ministre ukrainien des Finances lance un appel à l'aide internationale pour la survie de son pays. Il s'adresse au Financial Times. Sergueï Marchenko estime que l'État ukrainien a besoin de plusieurs milliards de dollars chaque mois pour combler son déficit. Avec la guerre, les recettes fiscales ont été divisées par deux. L'État a déjà effectué des coupes sombres dans ses dépenses, mais pas assez pour combler le déficit. Il pourrait doubler en avril et atteindre 5 milliards de dollars. Merci Dominique Bayard. Merci d'être avec nous sur Radio Antigone. Radio Aide à l'instant, c'était Spectre. La radio à vif. Et sur Radio Antigone, il est 10h30. minutes. Merci de nous écouter. Les actus du numérique dans quelques instants et puis l'éphéméride dans le prochain quart d'heure. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Anticon. Mais pour l'instant, comme toutes les demi-heures, voici un point sur l'actu, le flash. Et non, nous ne parlerons pas politique, étant donné que c'est la période de réserve électorale depuis ce matin minuit. Plus question hein, de promouvoir tel ou un tel candidat ni d'en parler. On va donc parler de toute autre chose, et eh bien notamment de la guerre en Ukraine. Le secrétaire général de l'ONU rencontrera Volodymyr Zelensky jeudi prochain, c'est ce qui a été annoncé. Sachez que Antonio Guterres se rendra mardi à Moscou pour rencontrer le président russe. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation des Nations Unies hier. Deux rendez-vous un mardi et un jeudi. Voilà. Dans l'actualité également, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Eh bien, on peut... j'ai du mal, voilà, mais ça va le faire. De quoi peut-on parler ? On peut parler que c'est... On peut dire que c'est le carnaval de Rio, aujourd'hui, au Brésil, après 2 ans d'absence. Un beau carnaval, donc, qui a repris. Que se passe-t-il d'autre ? Que peut-on dire d'autre ? Je ne sais pas, c'est un très très beau flash. Ah, vraiment, hein, vraiment. L'Union européenne a conclu un texte de loi pour amener l'ordre dans le Far West de l'Internet, nous dit-on. Le texte va obliger les grandes plateformes à supprimer les contenus illégaux et à coopérer avec les autorités, ce qui est difficile actuellement à appliquer. Dans l'actualité, aujourd'hui, la justice française qui a délivré un mandat d'arrêt international contre Carlos Ghosn, ancien patron de l'alliance Renault-Nissan, qui est actuellement au Liban, et ce dans le cadre d'une enquête pour abus de biens sociaux et blanchiment d'argent notamment. Dans l'actualité également, on a fait le tour. Voilà, il est déjà 10h32, j'ai dépassé. Hein, donc, on a fait le tour. Le flash sera beaucoup plus agréable tout à l'heure à 11h. Excusez-moi pour les petites difficultés. On passe à la météo. Oui, hein, la météo, et là ça va peut-être beaucoup mieux se passer. La météo ce matin, c'est mitigé, voilà, extrêmement mitigé. Il y a des nuages, puis au milieu du soleil, des nuages, du soleil. La carte est vraiment pas belle à voir. Si vous voulez avoir de la pluie, ce que je ne souhaite à personne, il faudra être du côté de Belfort, de Tours, de Bordeaux ou encore de Tarbes. Partout ailleurs, eh bien, il n'y aura pas de pluie. Parfois, quelques nuages, c'est le cas notamment à Chaumont, Metz, Toulouse, Nantes ou encore Marseille et Nice, le soleil partout ailleurs. Cet après-midi, eh bien, ça ne va pas s'arranger, bien au contraire, puisque des orages vont se déclarer sur la majeure partie de la France, en dessous d'une ligne Rennes-Chaumont et au-dessus d'une ligne Bordeaux-Perpignan, passant jusqu'à Marseille. Donc tout le centre de la France sera atteignable niveau orage, et ça ne s'arrangera demain avec les pluies qui vont se décaler vers l'est, mais qui resteront puisque d'autres pluies vont arriver depuis l'ouest. Et malgré le soleil, ça ne suffira pas. Les températures pour cet après-midi, comptez 16 degrés du côté de Vichy, 15 degrés à Chalon-sur-Saône, à Nice, Marseille, 16 degrés du côté de Alençon et 18 degrés à Lille avec de rares averses. Et demain matin, les températures iront jusqu'à 12 degrés. Dans l'après-midi, ça montera difficilement, mais ça montera jusqu'à 19 degrés pour Paris, 18 degrés pour Perpignan, tout comme Alençon, Lille ou encore Amiens, 16 degrés à Nice et même à Bordeaux. Voilà pour votre météo. La case du week-end continue dès maintenant. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. La case du week-end continue, il est 10h35. Merci beaucoup de nous écouter. Dans un instant, les actus du numérique. Et on va parler de pub, oui, de pub sur les jeux vidéo. Les explications dans un instant, après un petit peu de musique. Justement, la musique, eh bien, Elton John et Dua Lipa à suivre avec Colored. L'éphéméride arrive dans moins de 15 minutes, ce sera aux alentours de 10h45 et puis il y aura des actus des médias. Actus des médias consacrés aujourd'hui aux audiences radio qui ont été dévoilées ce jeudi. Tout savoir sur les audiences radio, c'est pas forcément fameux. Voilà, du côté de toutes les stations, toutes les explications tout à l'heure, juste avant 11h, 10h53 environ, en fonction du retard ou non que j'ai on va plutôt dire du retard que j'ai. Voilà, ça sera plus précis. Classique musical arrive également. Ça sera, eh bien, juste avant les actus des médias d'ailleurs. On écoutera John Travolta et Olivia Newton-Jones avec You're the One That I Want. Pour l'instant, il est 10h, passé de presque 37 minutes. On est donc reparti en musique avec un titre que je n'ai pas pu vous annoncer la dernière fois suite aux problèmes techniques qu'il y a eu dans la dernière émission. Donc là, on va le repasser, voilà, dans la continuité de l'émission, ça paraît plus logique. Voici Lost Frequencies avec Rise. Bienvenue sur Phil FM et Radio Antigone. It's been a hard year, feeling awake now. All of the hurt, all of the dirt, all of the shame now. Nothing but closed doors, I'm not gonna break down. So doubt is a strong drug, it gets in your bloodstream. You lose your hope, you lose your soul, you lose the whole thing. Enough for my whole life, to know it won't break me. Ain't no way, no way I'm stopping now. C'était Rise à l'instant sur Radio Antigone et sur Phil FM. Radio Antigone. Les actus du numérique. Il est 10h40, nous parlons effectivement numérique et on va parler de publicité et de jeux vidéo. Il y a quelques semaines, Microsoft a annoncé que la société comptait bientôt intégrer des publicités dans les jeux Xbox gratuits. Et oui, oui, et ce sans même prendre sa part d'ailleurs. Alors, c'est quelque chose qui avait fait scandale en 2020 lorsque Electronic Arts avait intégré des publicités dans ses jeux. Ça a été rapidement retiré, c'était dans le jeu UFC 4, nous indique Frandroid. Ce même site qui nous indique que selon Business Insider, une source bien fiable, des discussions seraient en cours pour l'intégration de publicités dont, je vous le disais, des jeux Xbox free to play, les jeux qui sont totalement gratuits sur Xbox. Le but est tout simplement de permettre aux développeurs de vendre des espaces publicitaires précis au sein de leurs jeux. La société Microsoft est en train de rechercher des agences de publicité qui permettront aux publicitaires de faire cela. Le marché est très restreint. C'est un bon moyen de permettre de mettre en place un nouvel écosystème économique qui fonctionne bien, puisque la pub est encore un moyen très très fiable d'avoir des finances. Techniquement, c'est quand même compliqué à faire. Après, on peut imaginer, par exemple, dans des jeux de foot, mais qui ne sont actuellement pas gratuits, que les bandeaux publicitaires autour du stade pourraient être avec de vrais bandeaux publicitaires et des vraies pubs payés par les annonceurs. C'est l'exemple le plus simple qu'on pourrait avoir, des écrans publicitaires. Pas d'informations pour l'instant sur la façon dont ils seront appliqués, mais c'est l'annonce qui a été faite par Microsoft, qui a été suivie il y a quelques jours seulement PlayStation, qui veut aussi intégrer des publicités dans le jeu. Même système du côté de PlayStation, qui recherche également un partenaire pour les jeux free to play. Le but est d'inciter le développement des jeux gratuits sans que les jeux ne soient pas rentables non plus pour les développeurs. PlayStation qui va aller plus loin parce que cette annonce s'inscrit dans le cadre du développement des jeux services, les jeux mis à jour continuellement en continu, des grands jeux comme Fortnite ou autres, des jeux mis à jour très très régulièrement. C'est ça, les jeux services, puisque dans les prochaines années, PlayStation a prévu d'en développer 10, et donc cette annonce de potentiellement de prochaines publicités s'inscrit dans cet esprit de développement de nouveaux types de jeux et qu'il faudra financer notamment par la publicité. Sachez que PlayStation va encore plus loin, puisque proposera un système de récompense pour la publicité, comme sur beaucoup de jeux mobiles où vous pouvez regarder une publicité pour avoir un petit cadeau. PlayStation va proposer prochainement peut-être de le faire également sur la console, pour gagner des récompenses. Les principes des mobiles qui visiblement rentrent petit à petit dans les consoles de jeux. Selon le même site que pour Xbox Business Insider, la sélection du partenaire publicitaire serait très très important pour PlayStation, qui souhaite pouvoir contrôler les données des utilisateurs pour que les données des utilisateurs ne soient pas transmises à plein d'autres sociétés après, pour le respect donc de la vie privée des personnes. Il est hors de question, par exemple, de permettre aux partenaires publicitaires de créer une base de données avec les informations personnelles des joueurs, comme leur nom ou leur adresse email. Une bonne mesure. Merci à PlayStation d'être attentif à ce genre de choses. Voilà pour ces actus du numérique qui étaient donc tournées vers la publicité aujourd'hui. Radio Antigone. 10h, midi, la case du week-end. Fini les publicités. Il y en aura tout à l'heure une archive film, mais celle-là, elle n'est que en guise de nostalgie. Mais pour l'instant, c'est Elton John et Dua Lipa. Some things look better, baby, just passing through. Elton John et Dua Lipa, c'est ce que nous venons d'écouter sur Radio Antigone et Phil FM. Il est 10h47, pile pas du tout à l'heure pour l'éphéméride. L'éphéméride. Puisque nous sommes le samedi 23 avril 2022. Et oui, le 23 avril déjà, mais que ça passe vite, que ça passe vite. Est-ce que je gagne du temps? Pas du tout. C'est le 113e jour de l'année aujourd'hui. Bonne fête aux Georges, aux Georgettes, aux Giorgio, aux... qu'est-ce qu'on a d'autre? Aux Jarod, oui, aux Jordi, aux Joran, aux Georgie, hein. Bonne fête également aux Joris, aux Vargas, aux Yeri, aux Yoran, Yorick, bref, vous avez compris, à chaque fois, il y a les dérivés de chaque prénom. Bonne fête à vous tous. Bon anniversaire, si c'est votre anniversaire aujourd'hui. C'est aujourd'hui la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Une journée, eh bien, créée par l'UNESCO pour promouvoir la lecture et l'industrie éditoriale, ainsi que la protection de la propriété intellectuelle à travers le droit d'auteur. Voilà, voilà. De quoi peut-on parler d'autre? On peut peut-être parler des anniversaires que l'on fête aujourd'hui. Bah oui. Bon anniversaire eh bien à l'humoriste Michel Leb qui a 75 ans. Le streamer Antoine Daniel fête également son anniversaire aujourd'hui. Il a 33 ans. Le chanteur Taylor Cruz est né en 1983 et fête donc ses 39 ans. John Cena est né en 77, et bon anniversaire, il a 45 ans. Bon anniversaire également, eh bien, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, qui avons-nous d'autre? Bonne question. Qui avons-nous d'autre? Je cherche. Michael Moore, le réalisateur, fête aujourd'hui ses 68 ans. Et puis, on termine avec le pilote Paul Belmondo qui fête ses 59 ans, bon anniversaire à lui. Que s'est-il passé un 23 avril? Oh, bah, il a dû se passer des choses, hein. On peut peut-être remonter énormément dans le temps, puisqu'en 215 avant Jésus-Christ, c'est un 23 avril que Rome a entamé les travaux d'un temple dédié à Vénus sur la colline du Capitole. Le but était de commémorer la défaite du lac Trasimène. Voilà. Que s'est-il passé d'autre un 23 avril? Eh bien, c'est un 23 avril, le 23 avril 1702, qu'Anne première de Grande-Bretagne a été sacrée. Autre événement s'étant déroulé un 23 avril, c'est ce jour-là que Rowan Hamilton, le mathématicien et physicien irlandais, le 23 avril 1827, a présenté sa théorie des systèmes de rayons. Autre événement, eh oui, un 23 avril, et cette fois-ci beaucoup plus récent, c'est le 23 avril dernier, en 2021, que Thomas Pesquet a décollé du centre spatial Kennedy à bord de la mission SpaceX Crew 2. Autre événement s'étant déroulé un 23 avril, eh bien la première vidéo mise en ligne sur le site YouTube est sortie un 23 avril, c'était en 2005, mise en ligne par l'un de ses fondateurs. C'est une vidéo de lui devant des éléphants dans un zoo, une vidéo que vous pouvez encore retrouver sur YouTube si vous le souhaitez. Voilà, voilà, voilà pour cette éphéméride. J'espère que bien il a été assez complet. Bonne journée. Bonne journée à tous et bon anniversaire, bien sûr, si vous êtes né un 23 avril. Le classique de la case du week-end. Nous repartons en musique avant de parler des audiences radio dans les actus des médias. Voici un classique, John Travolta et Olivia Newton-John. Radio Antigone. Les actus des médias. Vous êtes sur Radio Antigone, merci beaucoup d'être avec nous, excusez-moi pour ce petit blanc. Nous avons donc écouté Olivia Newton-John et John Travolta avec You're the One That I Want. Et bien, nous passons maintenant aux actus des médias. Vous avez entendu le petit jingle, on parle des audiences radio. Le média radio qui est toujours en baisse hein, au niveau de ses audiences de façon générale. Ça se bouleverse un petit peu dans le classement, pas trop, mais un petit peu, voilà. Je vais reprendre la fiche hein, qui récapitule les audiences radio. Et on peut noter que France Inter est toujours la première radio de France, avec de très belles audiences, voilà, quand même, on peut le dire, hein, de très belles audiences. Sachez que le nombre d'auditeurs est un petit peu en dessous des 7 millions, 6 906 000 avec une belle évolution sur un an, 179 000 auditeurs gagnés, une part de marché de 13,9%. Deuxième, RTL avec 5 843 000 auditeurs, 67 000 auditeurs gagnés en un an. France Info est troisième avec un gain d'un demi-million d'auditeurs, 595 000 auditeurs gagnés sur un an. France Info qui compte actuellement 5 000 5 451 000 auditeurs par jour. Une très très belle performance. Il devance Energy, 4 493 000, qui a perdu 170 000 auditeurs en un an. Skyrock, toute peu légère perte de 19 000 auditeurs pour être à 3 404 000 auditeurs journaliers. RMC est juste après, RMC qui perd 16 000 auditeurs en un an, 3 162 000 auditeurs par jour. France Bleu qui bien perd un petit peu, voilà, 140 000 auditeurs sur un an, c'est quand même beaucoup, pas beaucoup en part de marché, hein, seulement 0 à 1 point, une part de marché de 5,5% pour France Bleu qui a un peu plus de 3 millions d'auditeurs par jour. C'est également le cas de Nostalgie qui gagne 235 000 auditeurs en un an. Europe 1 continue sa dégringolade et perd 583 000 auditeurs en un an et passe bien presque en dessous de la barre des 2 millions. Hein. 2 172 000 auditeurs sur un an par jour. RTL2 est juste derrière avec une petite perte, 2 140 000 auditeurs. Fun Radio qui perd un petit peu plus, 1 909 000, qui passe donc en dessous de la barre des 2 millions. France Culture est juste après, gagne 210 000 auditeurs en un an. Voilà, c'est pas mal. Chéri FM est ensuite dans le classement avec une petite perte d'auditeurs. Pareil pour RFM, Virgin Radio. Rire et Chanson gagne 85 000 auditeurs en un an et Radio Classique en gagne 38 000 pour terminer voilà, le plus haut du classement. Les audiences un petit peu compliquées, hein. Donc, mais qui sont stables pour certaines radios avec des légères baisses, hein, du point de vue général, qui eh bien sont en concordance avec le média radio qui est en baisse de façon totalement générale. On parlera plus précisément des différentes émissions, des différentes tranches horaires tout à l'heure dans les prochaines actus des médias. Mais pour l'instant, on écoute un petit extrait de Palma Violettes, extrait de l'album 180, Best of Friends. Sachez que dans cette émission, on parlera un petit peu du printemps de Bourges. Voilà, on va parler de la programmation du jour. N'oubliez pas qu'il y a plein de contenu sur les réseaux sociaux de Radio Antigone à propos du printemps de Bourges, avec de nombreuses vidéos, des lives même. Donc n'oubliez pas d'aller sur les réseaux sociaux de Radio Antigone. Radio Antigone un petit peu partout, Twitter, Instagram, Facebook. la radio à vif. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. La suite de la case du week-end, excusez-moi pour ce petit blanc. Heureusement que vous aviez un petit peu de musique. Avec rapidement un point sur l'actu. Voilà, on va faire simple et rapide. Et une nouvelle tentative d'évacuation de civils depuis la ville ukrainienne de Mariupol est prévue aujourd'hui selon la vice-première ministre ukrainienne Irina Verekhnouch pour une évacuation pour les femmes, les enfants et les personnes âgées qui devraient commencer là tout de suite hein, à 11h heure parisienne. Donc là c'est ça devrait avoir commencé si tout se passe bien. Sachez également que le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres va se rendre en Ukraine pour rencontrer le président Volodymyr Zelensky. Ça sera jeudi et puis mardi il ira à Moscou. Il sera reçu par eh bien le président russe Vladimir Poutine. Dans l'actualité également eh bien j'ai plus mon texte. Voilà, il manque plus que ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'actualité? Bah, je ne sais pas si dans l'actualité on peut notamment noter eh bien, que la justice française a délivré un mandat d'arrêt international contre Carlos Ghosn, l'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan. Il est visé dans le cadre d'une enquête pour abus de biens sociaux et blanchiment. Et puis on termine eh bien, avec... Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Ouais, allez, on va dire que c'est déjà bien. Voilà. J'ai fait le tour. Je suis déjà en retard. Donc, voilà. J'espère que, vous m'excuserez pour ce petit problème technique. Voilà, voilà. Rapidement, on passe à la météo. Ce n'est pas très très beau, avec des orages cet après-midi sur toute la partie centre de la France. Il faudra être du côté des frontières terrestres ou marines pour espérer avoir des nuages, peut-être du soleil, mais surtout pas de pluie, voilà. Les températures seront assez faibles cet après-midi. Elles seront assez élevées, qu'est-ce que je dis? J'ai des bêtises. Elles seront assez élevées, d'où les orages, hein, d'ailleurs. 16 degrés à Lyon, tout comme à Chaumont. 13 degrés, ça c'est pour Toulouse. 19 degrés à Paris, 18 à Lille, Amiens. 16 degrés à Brest, 13 degrés à Tarbes, Biarritz. 17 degrés à Perpignan, mais avec un fort risque d'orage. Demain, ça s'améliorera un peu, les orages qui ne seront plus que des pluies dans la matinée. Dans l'après-midi, quelques autres orages se déclareront du côté de Auxerre ou encore Nantes. Et puis, lundi, eh bien, ça va petit à petit s'améliorer avec le soleil qui va revenir, mais la pluie qui sera malheureusement encore présente sur une grande partie de la France. Et dans l'après-midi, les pluies qui vont se décaler dans l'est pour continuer à se décaler petit à petit, mais qui vont rester bloquées sur tout le nord-est de la France, sur le quart nord-est de la France. Voilà pour cette météo. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Je suis donc en retard, voilà, excusez-moi pour ce petit blond de 5 minutes environ. On repart dès maintenant avec l'archive pub dans un instant, le programme télé, aujourd'hui l'économie, Marie-Pierre Olfan. On va parler, il me semble, eh bien, pas des baies, mais on va parler de dates, voilà, les dates d'Aglénour. Qui ont vu son prix baisser ces dernières années, qui ont vu leur prix baisser ces dernières années. De quoi parlerons-nous d'autre? Ouh là là, elle était dure cette phrase. On parlera numérique également à 11h37. Et Samsung qui va s'inspirer de Tesla pour ses prochaines batteries de smartphone. Et oui, quel est l'objectif? Pourquoi? Comment? Où? Toutes les explications tout à l'heure à 11h37. Si je me mets à faire des c'est vraiment que je suis fatigué. On écoutera un classique musical dans cette émission, bien sûr, avec Anastasia, I'm Outta Love, sur Radio Antigone. Et puis on écoutera plein d'autres musiques. Bah oui, bien sûr, il y aura Claudio Capeo avec Je t'emmènerai. Et puis il y aura également Montmartre, All the Same, dans la prochaine demi-heure. All the same, we're not afraid. In this game, Voilà, voilà pour le programme qui est plutôt beau. J'ai l'impression, restez bien là pour profiter de tout cela. Le programme télé, ça arrive dans un peu moins de 10 minutes. Mais pour l'instant, c'est l'archive pub. L'archive pub. Et aujourd'hui, nous retournons en 2004, à moins que je me trompe, je vais quand même vérifier, bah ça va plus ça, non mais je sais, j'ai même plus la bonne date. Oui, allez, on va en 2004, c'est ça. 2004 pour cette publicité pour Nicorette. Salon Nicorette vous propose un patch 16h. Pour combattre les cigarettes la journée et passer une nuit sans nicotine. Nicorette, patch 16h. Médicament réservé à l'adulte. Demandez conseil à votre pharmacien. Publicité. Pour Nicorette, c'est le nom de la marque de certains produits qui ont pour but de remplacer la nicotine que contiennent les cigarettes par donc un médicament afin peut-être au fur et à mesure d'arrêter la cigarette. Un produit qui a été créé dès 1978, et oui quand même. Il a été créé par un Suédois dans les années 70, AB Leo, voilà. Ça avait la forme d'un chewing-gum hein, au début, et puis ça petit était vendu donc en magasin sous forme de patch ou d'inhalateur. Actuellement, c'est la société Johnson & Johnson qui est le propriétaire, ainsi que GlaxoSmithKline qui est dans le groupe Johnson & Johnson et JSK également. Donc Nicorette, vous ne le savez peut-être pas, mais ça vient de la Suède, voilà. Tout simplement, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire, et n'oubliez pas, le tabac, ça tue, et c'est extrêmement dangereux. Vous êtes sur Radio Antigone, il est 11h14, cette archifube était très courte, mais bon, moi, je récupère le temps et mon retard, voici Claudio Capéo tout de suite, je t'emmènerai. Y'a ces sourires qui nous manquent, tous ces souvenirs qui nous hantent. Faut dire que la vie nous tourmente, gira, gira nella mente. Le chemin est long mais la vie est brève, pas le temps pour les détours. Je crois qu'il est l'heure que nos verres on les lève, que vienne enfin le beau jour. On chantera la délivrance, on célébrera notre chance de s'aimer là dans l'insouciance. La via della dolce vita. Je garde l'espoir que la fête sera aussi grande que nos joies. J'ai tous vos regards dans la tête, j'attends plus que vos bras. Viens, on se fait du bien. Viens, le monde on rêve, on te vient. On s'aime pour rien. On s'entraîne, on se réenchante. Viens, on se soutient. On oublie tout ce qui nous hante. Viens, viens, viens comme je t'emmènerai. Mi sento felice, a volte mi si stringe il cuore. Vorrei come la fenice far rinascere la gioia. Quando sto male che sono nel dubbio, cerco un po' d'umanità. Solidare in questo mondo è l'unica verità. On chantera la délivrance, on célébrera notre chance de s'aimer là dans l'insouciance. L'aria della dolce vita. Je garde l'espoir que la fête sera aussi grande que nos joies. J'ai tous vos regards dans la tête, j'attends plus que vos bras. Viens, on se fait du bien. Viens, le monde on rêve, on te vient. On s'aime pour rien. On s'entraîne, on se réenchante. Viens, on se soutient. On oublie tout ce qui nous hante. Viens, viens, viens comme je t'emmènerai danser sur les plages. Claudio Capeo à l'instant sur Radio Antigone. Et voici le programme télé, il est 11h17. Radio Antigone, le programme télé. On commence par TF1 qui vous propose la suite de The Voice. Sur France 2, le troisième numéro du tournoi des maestros de N'oubliez pas les paroles. Inédit à partir de 21h10. Sur France 3, la série télé Cassandre. Sur Canal Plus, le top 14. Voilà. Avec Toulon qui affronte Toulouse. Sur France 5, Échappée belle à partir de 20h56. Rendez-vous au Panama. Aujourd'hui, coup de cœur pour le Panama. Sur M6, c'est la suite de la saison inédite de MacGyver. Sur Arte, à 20h50, un magazine inédit, Le Cosmos et les origines de la vie, consacré aux exoplanètes aujourd'hui. 20h50, donc, pour ce documentaire inédit. Sur C8, à 21h19, un tour du monde en France, direction l'Aubrac, puis la Camargue à 22h53. Sur W9, la petite histoire de France à 21h05. À la même heure sur TMC, rediffusion de Colombo, toujours à 21h05 sur TFX, chronique criminelle avec un numéro inédit aujourd'hui consacré à l'affaire Daniel Malgour, meurtre dans le plus beau jardin de France, meurtre sanglant à Thanksgiving. Sur NRJ 12 à 21h10, Young Sheldon. Sur la chaîne parlementaire LCP Public Sénat, Taïwan, démocratie numérique à partir de 21h05, de 21h. Pardon. France 4, plutôt Culture Box, à cette heure-là, à 21h10, vous avez rendez-vous avec des casse-noisettes sur NS Cité Danse. Sur C-Star, Canal 17 de la TNT, à 21h05, un numéro inédit de Ghost Adventure qui va parler du funérarium de la Nouvelle-Orléans. Sur Gulli, Lego Master, à partir de 21h05. Sur TF1, série film, Joséphine Ange Gardien, c'est à partir de 21h, et c'est bien sûr une rediffusion. La chaîne L'Équipe vous propose à partir de 19h30 les qualifications à l'Euro féminin 2022 de handball, la France qui va jouer contre l'Ukraine, et c'est suivi de la finale de la Coupe d'Espagne de football, Betis-Séville contre Valence, et ça sera à 22h. Sur Sister à 21h05, rénovation impossible. Sur RMC Story, Alien Theory, et puis sur RMC Découverte, vous avez le droit à Retour à l'instinct primaire, Restons groupés. Je termine avec Chéri 25 qui vous propose le téléfilm Emma quand les cœurs chavirent à partir de 21h05. Voilà donc pour votre programme télé. N'oubliez pas qu'il y a bien sûr aussi la radio. Radio Antigone. 10h, midi, la case du week-end. 11h19, dans 3 minutes, nous parlons numérique avec Marie-Pierre Olfan. Mais pour l'instant, voici mon martre, All the Same. Bienvenue à tous. Blinded by the sweet daylight, hanging on the beach. Nothing but the sun, the ocean, the sun. And I'm feeling rich, breathing slowly. Living gently with a tie high and low to the rhythm of love. When I look around, all I'm thinking of is I can't get enough. Vous êtes sur Radio Antigone et vous venez d'écouter Montmartre avec All the Same. Aujourd'hui, l'économie. Et c'est Marie-Pierre Olfond que nous allons retrouver. Marie-Pierre, la date. Medjool a vu son prix baisser ces dernières années. De quoi prendre des parts de marché à la date d'Aglette Nour, même si celle-ci reste toujours moins chère, Marie-Pierre. Depuis 7-8 ans, le prix de la Medjool ne fait que baisser. Alors qu'il était impossible d'en trouver à moins de 12 euros le kilo, on peut acheter aujourd'hui des Medjool premier prix à 7 euros. La date de luxe, charnue et sucrée, devient désormais beaucoup plus accessible. Et ce grâce à une offre croissante sur le marché international. L'Arabie Saoudite d'abord a conforté sa place cette année encore grâce à un soutien toujours plus fort des autorités à la production locale. Mais un nouvel acteur pourrait venir tirer un peu plus les prix à la baisse sur le marché européen. Il s'agit du Maroc qui vient d'envoyer pour ce ramadan 2 conteneurs test sur le marché parisien de Rungis. Ces dattes ont été produites dans la plus grande ferme du pays dans la région des Rachidia. À l'origine, le groupe Saham qui vise une production de 7500 tonnes par an. Si la qualité de la datte marocaine se confirme, elle pourrait être en mesure de concurrencer la Medjool d'Israël et de Jordanie, d'autant qu'elle bénéficie d'un atout de taille, sa proximité avec le marché européen, dans un contexte où les coûts du fret maritime ont changé la géographie des flux de datte. Les californiennes et les iraniennes ont presque disparu en effet cette année du marché européen, selon un des acteurs de la filière. Pour ce ramadan, l'Iran et le Pakistan se sont davantage tournés vers l'Inde et la Russie, et pour éviter un casse-tête logistique, les importateurs européens sont eux contraints de privilégier également les circuits courts. Si cette baisse des prix de la Medjool est bonne pour les consommateurs, elle ne fait pas l'affaire en revanche des Algériens et Tunisiens qui tirent la langue, confie un importateur du sud de la France. Ils produisent, eux, essentiellement une autre variété, la Deglet Nour. Alors, pour ne pas perdre leurs clients, ils ont dû baisser leurs prix. Leur date reste encore presque moitié moins chère que la Medjool de base. Merci beaucoup à vous, Marie-Pierre Olfand. C'était aujourd'hui l'économie. Et à demain pour de nouvelles chroniques économiques. On repart en musique dès maintenant. Nous allons faire un point sur l'actualité dans quelques minutes, dans 5 minutes. Après, eh bien, ce long titre, on a de la chance, vous avez de la chance, on a le temps d'écouter un titre long aujourd'hui. Voici The Prodigy, The Day Is My Enemy. Down! The Prodigy, c'était The Day Is My Enemy. Moi, c'est surtout le matin qui est mon ennemi quand je dois sortir de mon lit. La radio à vif. Radio Antigone, il est 11h30. Vous êtes également en simultané sur Pulse FM. Merci de nous écouter. Les actus du numérique et les actus du sport à suivre. La vie qui va avec. Radio Antigone. Je me suis encore pris la voix d'ailleurs. Voici le flash avant tout cela. La justice française a délivré un mandat d'arrêt international contre Carlos Ghosn, l'ancien patron Renault-Nissan, qui vit actuellement au Liban, et bien fait l'objet d'une enquête, notamment pour abus de biens sociaux et blanchiment. Dans l'actualité également aujourd'hui, eh bien, aux États-Unis, un tireur a blessé 4 personnes à Washington avant de se suicider. 4 personnes, dont un enfant de 12 ans, ont été blessées par des tirs dans un quartier aisé de Washington hier après-midi. 3 des blessés ont été transportés à l'hôpital dans un état stable. La 4e victime, âgée d'une 60aine d'années, a été soignée sur place. Un important dispositif de force de l'ordre a été déployé dans cette zone. Le confinement de plusieurs... Les universités et écoles ont dû être confinées pendant plusieurs heures. Pour l'instant, le mobile de l'agresseur reste inconnu selon le chef de la police de Washington. Dans l'actualité également, le prix Nobel de littérature 2010. L'auteur péruvien Mario Vargas Llosa a été hospitalisé après avoir contracté le Covid-19. Ce francophile Ce francophile est devenu académicien l'année dernière. Dans l'actualité également, ce nouveau convoi humanitaire qui est prévu pour aujourd'hui et qui devrait avoir démarré depuis aujourd'hui 11h du côté de la ville de Mariupol en Ukraine. C'est ce qu'a annoncé la Croix-Rouge hier. Sachez que mardi, un commissaire de l'ONU, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, devrait se rendre à Moscou où il sera reçu par Vladimir Poutine et il rencontrera jeudi Volodymyr Zelensky en Ukraine. Antonio Guterres, donc. Voilà pour ce point sur l'actualité. On passe à la météo. Oh miracle, j'ai respecté les horaires. Waouh! Est-ce que je vais respecter les horaires avec la météo? Rien n'est moins sûr. La météo, elle est où? Elle est là. Sachez que aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Je me mets à mettre des bas, dis donc. Oh là là là là, c'est pas possible. Niveau de météo, c'est un petit peu compliqué, avec des orages qui risquent de se déclarer cet après-midi sur une majeure partie de la France. De la pluie un petit peu partout, même si le soleil sera présent du côté des Pyrénées ou encore de Cherbourg et Brest ou même de la Corse, eh bien il y aura quand même de la pluie. Voilà, seulement quelques éclaircies sans pluie et donc des orages et des températures qui seront un petit peu partout aux alentours des 16 degrés. Ça montera jusqu'à 18 degrés pour Auxerre et Tours avec de la pluie. À Bourges, on va parler du printemps de Bourges tout à l'heure, donc parlons de la météo. À Bourges, 17 degrés, donc des orages. Dans la soirée, ça va un petit peut s'améliorer. À Bourges, il y aura toujours des orages. Le soleil va réapparaître du côté de la partie nord de la France. Demain, ça va s'améliorer. Plus d'orages, mais toujours de la pluie qui, petit à petit, au fil des heures et jusqu'à lundi, vont continuer à se décaler dans l'est. Certaines vont revenir depuis l'ouest, en début de semaine prochaine, ça va grandement s'améliorer, mais il faudra être patient. Hein. Il faudra attendre sûrement mardi pour que la pluie disparaisse vraiment totalement avec le soleil qui devrait revenir avec quelques nuages et des températures néanmoins en hausse. Voilà pour votre météo. Et là, j'ai totalement explosé les horaires. Radio Antigone. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. C'est déjà la dernière demi-heure de la case du week-end. Il est 11h34, je suis à peine en retard. On va dire que ça va. On parlera de quoi bientôt? Eh bien, il me semble que nous allons parler numérique. Et oui, parlons numérique, puisque Samsung va s'inspirer de Tesla. Oui, oui, le constructeur de voitures électriques. Pourquoi? Eh bien, pour ses batteries de téléphone. Alors, d'ici à ce qu'on se retrouve avec un téléphone d'une taille, de la taille d'une voiture, il n'y a qu'un pas.

Les actus du numérique, oui. Parlons téléphone, parlons Samsung, parlons Tesla. Mais qu'est-ce que Tesla vient faire là-dedans? Eh bien, vous allez tout comprendre. Depuis quelques années, hein, depuis que les téléphones ont des performances démesurées, bien largement suffisantes pour téléphoner, eh bien, la course à l'autonomie de la batterie est présente. Voilà, le but pour chaque constructeur de téléphone est d'avoir une batterie performante, hein, pour que le téléphone puisse tenir le plus longtemps possible. C'est un argument de vente bien légitime, hein. Si ça peut nous éviter de brancher notre téléphone toutes les 3 minutes, c'est quand même plutôt pratique. Le problème, eh bien, c'est que actuellement, ça bloque. Voilà, difficile d'aller au-delà d'un certain point, notamment pour Samsung, qui, eh bien, va s'inspirer de Tesla pour ses prochaines batteries. Le but, tout simplement, pouvoir, dans une même taille de batterie, avoir une capacité plus importante. Puisque là, actuellement, on pourrait faire des batteries beaucoup plus capacitives. Le problème, c'est qu'elles prendraient beaucoup plus de place et ça serait plus un téléphone portable. Voilà, tout simplement. Alors, le but, eh bien, est de s'inspirer de Tesla. Quelle est la différence entre les batteries actuelles de téléphone et les batteries de Tesla? Eh bien, c'est la technologie de la batterie et notamment la manière dont les batteries sont emballées. Les cellules des batteries sont emballées. En fait, actuellement, c'est emballé de manière cylindrique, c'est-à-dire que il y a la pâte et c'est enroulé, voilà, afin de avec cette technique, les batteries ne peuvent pas être emballées de manière étroite à cause du gonflement naturel qui se passe pendant la charge et la décharge, et ce qui viendrait endommager la batterie. Du côté des batteries Tesla, eh bien en fait, c'est plus d'une façon jelly roll. En fait, c'est un petit peu, c'est enroulé, mais vous savez, c'est comme quand on plie. Vous avez par exemple un drap, une nappe, vous allez la plier, mais pas en deux, vous allez la plier donc on va dire 10 cm, et après vous allez reprendre ce côté 10 cm, et sur 10 cm vous allez replier dessus, donc vous allez avoir quelque chose qui va pas être enroulé, mais qui va être sur les bords certes arrondi, mais plat, hein, sur le haut. Et donc avec cette technique, eh bien, vous n'abîmez pas la batterie lors de la charge et la décharge, mais surtout, eh bien vous gagnez de la place. Voilà, ce qui va permettre d'augmenter la capacité de la batterie sans augmenter la taille. Par exemple, eh bien, Samsung nous indique que vous allez pouvoir passer d'une batterie de 5000 mAh à 5500 avec la même taille de batterie. Une nouvelle méthode, on nous dit, qui va permettre, eh bien, de pouvoir gagner 10% de capacité, ce qui est quand même pas mal. Frandroid.com nous indique également que le but peut être donc de, sans augmenter la taille, gagner de la capacité, mais également, à l'inverse, eh bien, de gagner de l'espace. Et oui, en permettant d'avoir la même capacité de batterie, mais dans une batterie plus petite, et donc en gagnant de l'espace, un téléphone plus petit ou encore plus compact. Deux avantages donc pour cette fonctionnalité. Samsung, qui grâce à sa société Samsung SDI, division batterie de la société coréenne, est en train de travailler sur cela et donc de la technologie de notre cher Tesla. Sachez que la marque cherche également à obtenir des commandes d'Apple pour cette nouveauté. Samsung, qui, vous le savez peut-être, fournit des batteries pour les iPads et les MacBooks. Aucun calendrier pour l'instant n'est prévu pour l'arrivée de ce type de batterie. Espérons bien sûr que cela arrive rapidement. C'est ce que je pense. Tout le monde va penser en écoutant cette chronique. Il est 11h43 sur Radio Antigone. J'ai du retard, mais ce n'est rien. On va passer à la musique avant de parler sport. 10h, midi, la case du week-end. Avec le retour il y a quelques mois de Lilywood on the Prick qui nous ont proposé ce titre. In Love for the Last Time, c'est ce qu'on écoute tout de suite. I'm gonna let myself breathe. Let the love be. I'm gonna feel myself walk. Feel myself. We'll be right back. be in love for the last time. And all the warmth in the world, it won't take me back. Lily Wood on the Prick, extrait de leur nouvel album Most Anything in Love for the Last Time. Voici dès maintenant les actus du sport avec notre partenaire RFI, Nathalie Amar, et le journaliste sport d'RFI. Et du football à la une, peut-être déjà, Antoine, l'épilogue du championnat de France de Ligue 1. Un point contre Lens, et c'est le titre assuré pour le Paris Saint-Germain. Le 10e titre du club lui tend les bras, ce qui lui permettrait d'égaler les Verts de Saint-Etienne au palmarès des équipes les plus titrées de l'histoire. Remporter le championnat permettrait peut-être aussi aux Parisiens d'adoucir l'atmosphère du Parc des Princes, plombée par la colère de nombreux supporters. Mais avant même d'y penser, Mauricio Pochettino, l'entraîneur parisien averti, Lens ne sera pas un adversaire facile. Es verdad, estamos hablando de ganar el título, pero tenemos total respeto. Tout le monde nous parle du titre, mais nous devons surtout respecter Lens, une équipe athlétique bien organisée avec de bons joueurs. Le match sera difficile contre un adversaire qui nous rendra les choses difficiles. Il faudra être concerné, impliqué. C'est ce qu'il faut face à un adversaire qui n'a pas que des qualités physiques, c'est aussi une équipe très forte techniquement. Avec un grand entraîneur, on s'attend à un match compliqué. PSG lance coup d'envoi 19h, temps universel, une 34e journée de Ligue 1 avec deux autres rencontres ce samedi, Lyon-Montpellier et Saint-Etienne-Monaco. En Angleterre, c'est probablement la triste fin d'une triste aventure, celle de Paul Pogba à Manchester United. Le champion du monde français de 29 ans s'est blessé et ne devrait pas rejouer cette saison. Et comme son contrat se termine cet été, il ne portera probablement plus jamais la tenue des Red Devils, un maillot sous lequel la vedette des Bleus aura largement déçu Hugo Moissonnier. Ce devait être un retour fracassant. En 2016, Paul Pogba quitte la Juventus pour retrouver Manchester United, un club qui ne misait pas sur lui quelques années plus tôt. Pour les frappes, les dribbles et le panache du français, les Red Devils s'alignent plus de 100 millions d'euros. Le longiligne milieu aux cheveux décolorés devient le footballeur le plus cher de l'histoire. En 2017, Pogba soulève une Ligue Europa et une Coupe de la Ligue anglaise, deux trophées mineurs, les seuls de sa deuxième aventure anglaise. Manchester United est malade. L'entraîneur José Mourinho n'est pas tendre avec les joueurs spectaculaires mais irréguliers. Et par la suite, les sursauts de Pogba sous les ordres d'Ole Gunnar Solskjaer sont trop rares. Des finales perdues, des deuxièmes places en première ligue, une présence dont l'équipe type du championnat en 2019 ne pèse pas lourd. Le Français est même pris en grippe par ses propres supporters pour l'une de ses dernières apparitions en rouge contre Norwich le week-end dernier. Des fans qui doivent se pincer lorsque qu'il voit Pogba avec le maillot de son pays. Quatre de l'équipe de France championne du monde en 2018, le joueur, aujourd'hui âgé de 29 ans, ne déçoit que très rarement en bleu. Hugo Moissonnier, handball féminin déjà qualifié pour l'Euro, les Françaises terminent leur campagne d'éliminatoire face à l'Ukraine. Une rencontre symboliquement forte au Havre, l'Ukraine, pays en guerre depuis le 24 février, l'invasion de son territoire par la Russie. La rencontre a pu être maintenue grâce à la prise en charge de la venue des Ukrainiennes par la Fédération française. Un geste de solidarité, mais qui n'empêchera pas l'Ukraine d'être plus motivée que jamais, estime la demi-centre Grace Zahadi, ravie d'une telle confrontation. C'est génial pour les Ukrainiennes qui puissent finir ces phases de qualification, sachant qu'elles ont été chercher des matchs, donc je trouve ça super cool. Ça sera pas un match de gala, on reste l'équipe de France, ça reste un match à la maison. On sait très bien que les Ukrainiennes vont arriver avec beaucoup de fierté, avec, je pense, avec ce contexte aussi, avec la rage au ventre, clairement, parce que, comme je disais, elles sont chanceuses aussi de pouvoir disputer ces matchs-là, donc ouais, je pense que ça va être un match qui sera très engagé. Grâce à dit la demi-centre de l'équipe de France de handball au micro de Christophe Diremzian. France-Ukraine, coup d'envoi 17h30, temps universel. Et toujours en sport féminin, en rugby, cette fois l'équipe de France à un pas du grand chelem. Le 15 de France féminin, facile vainqueur du Pays de Galles 33-5 ce vendredi à Cardiff, de quoi permettre aux Françaises de s'offrir une finale contre l'Angleterre qui y disputera sans doute d'ailleurs le grand chelem. Ce sera le week-end prochain. Merci Antoine Grenier du service des sports de RFI. Et merci à vous, Nathalie Amar, d'avoir présenté et accompagné Antoine Grenier. Le classique de la case du week-end. On repart en musique. Oh mais oui, la musique et les classiques musicaux qu'on adore écouter dans la case du week-end. Un titre que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie. Il est 11h52 et avant de parler des audiences radio, voici Anastasia tout de suite. Now baby come on. Don't claim that love, you'll never let me feel. Anastasia, Aimo, Utalov à l'instant sur Radio Antigone. C'était le classique musical de cette case du week-end. Radio Antigone et en simultané sur Phil FM. Radio Antigone. Les actus des médias. Suite de ce petit récapitulatif des audiences radio pour la nouvelle vague radio qui vient de sortir, la vague janvier-mars 2022, et je vous propose de parler des matinales. Bah oui, commençons par les matinales bien sûr, avec France Inter qui est toujours devant RTL, RTL qui est néanmoins en hausse. Le 7-9 de France Inter qui réunit très exactement chaque jour 1 974 000 auditeurs selon les derniers chiffres de Médiamétrie. Une matinale légèrement en hausse sur un an mais en baisse sur une vague. Un pic quand même à 2 291 000 auditeurs. Voilà, on va pas rentrer dans le détail parce qu'on n'aura pas le temps. RTL est un petit peu derrière avec 1 573 000 auditeurs et 52 000 auditeurs gagnés par rapport à l'année dernière. Derrière, eh bien, il y a quoi ? Il n'y a pas France Bleu comme habituellement, mais France Info avec la matinale de Marc Fauvel, le 7h-9h30 qui réveille 786 000 auditeurs. Une belle hausse de 141 000 auditeurs sur un an et de 137 000 sur une vague. France Bleu s'enfonce et passe sous la barre des 1 million avec 780 000 auditeurs entre 7h et 9h. 25 000 auditeurs en moins en un an. Europe 1, eh bien, baisse encore. 511 000 auditeurs pour la matinale, soit 176 000 auditeurs de moins. Voilà, sur un an. Ça fait quand même beaucoup. Derrière, il y a RMC et Apolline de Malherbe. 446 000 auditeurs et une baisse de presque 100 000 auditeurs sur un an. Voilà pour les audiences niveau matinal. On va rapidement parler des radios musicales. On en a parlé, hein, des radios musicales. Mais niveau des matinales, c'est toujours le 6-9 de le 6-10 même maintenant de Manu Lévy sur Énergie qui est premier, 611 000 auditeurs chaque matin. Une très très faible baisse, voilà. Derrière, c'est Nostalgie qui est deuxième, et oui, en étant devant la matinale de Difool et de Bruno Guillon qui était deuxième il y a encore un an. Bruno Guillon qui est donc en énorme baisse, d'où aucune communication sur les audiences d'ailleurs jeudi de la part de Fun Radio pour la matinale. Donc quatrième et un départ de 43 000 auditeurs sur un an. Le double expresso de RTL2 est stable, voilà, toujours dans les premiers, cinquième. Donc il y a ensuite le Morning du Rire de Bruno Robles, et puis M Radio, Vincent Cerutti et Tiffany Bonvoisin qui ont gagné 1 400 auditeurs par rapport à l'année dernière. Les premiers donc au niveau matinal des radios musicales, c'est Énergie suivi de Nostalgie, Skyrock, Fun Radio, RTL2, Virgin Radio, RFM, Chérie FM, Rire et Chanson et M Radio. Niveau des comiques, on notera une baisse de Par Jupiter. Voilà, on peut noter que Laurent Gérard a gagné quelques auditeurs pour sa chronique dans la matinale. Willy Rovelli est également en hausse sur France Bleu. Une baisse pour Marc-Antoine Lebray sur RFM. Voilà pour ces actus des médias. Je suis à court de temps. On va devoir passer les sorties jeux vidéo. Je vous avais promis un jeu. J'essaierai d'en parler demain. Du côté du Printemps de Bourges, je n'ai pas le temps de vous en parler non plus. On en parle juste après le radio-journal de notre partenaire RFI, histoire de faire la promotion quand même. Mais rendez-vous sur les réseaux sociaux de Radio Antigone pour avoir du contenu exclusif et émission spéciale demain de 17h à 19h30 avec toutes les interviews faites par Radio Antigone qui seront diffusées, émission dans les conditions du direct, 17h-19h30. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle case du week-end. Salut, c'était Enzo. Tous les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcasts.